Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. Considérons aujourd'hui deux tours érigées vers le ciel. Leurs fondations sont posées sur le sol de la ville de Bagnolet, à l'est de Paris, au-dessus de l'échangeur de l'autoroute A3. Elles portent chacune des noms que d'aucuns pourraient trouver prétentieux, puisque celle qui est orientée vers l'ouest a été baptisée le Ponant, et celle de l'est, le Levant. Ces deux gratte-ciels ne sont rien moins que les Twin Towers françaises. Elles portent cependant un nom mythologique associé au dieu romain du commerce, les Mercuriales. Concrètement, il s'agit de plus de 2 x 120 mètres de verre et de béton, érigé rigoureusement à l'identique et aligné selon un plan en diagonale. Les Mercuriales comportent chacune plus d'une trentaine d'étages et s'avèrent être les deux plus hautes constructions de tout le département de la Seine-Saint-Denis. Le cinéaste français Virgile Vernier a filmé les deux tours dans son premier long métrage Mercurial. On l'écoute. C'est vrai que moi j'ai toujours eu une obsession comme ça parce que je les voyais depuis que j'étais petit. Et puis je pense que lorsqu'il y a eu le 11 septembre, d'un seul coup l'original, puisque les Mercuriales ne sont qu'une sorte de simulacre un peu dérisoire du World Trade Center. C'est devenu une sorte de future ruine. C'était déjà plus le symbole de la prospérité que ça avait été, ces tours. D'un seul coup, on se rendait compte que même ces tours qui symbolisaient la puissance, c'était comme le colosse au pied d'argile dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose qui pouvait s'effondrer. Et du coup, ces deux tours, elles avaient une sorte de fragilité touchante. Les Twin Towers ont chu en ne laissant derrière elles aucune trace ni aucune ruine. Comme l'écrit Fanny Taillandier à leur propos dans un roman sur le 11 septembre 2001 par les écrans du Monde, je cite « Acier, cendre, pas de pierre, il ne reste pour ainsi dire rien des deux gratte-ciels noirs qui pendant longtemps avaient été les plus hauts jamais construits de main humaine depuis Babel. Ces ruines sont virtuelles, creuses et légères comme l'avenir. » Les Twin Towers de New York ont donc chu, mais les Mercuriales de Bagnolet sont restées debout, telles des copies privées de leur original ou des citations sans référence. Le couple de gratte-ciel se tient là, isolé par sa grandeur, au milieu de la Seine-Saint-Denis. Les tours ont été conçues au milieu des années 70 par un duo d'architectes, Serge Lana et Alfred H. Mill. Elles furent directement inspirées du World Trade Center et leur construction visait à répondre à une opération de rééquilibrage des quartiers d'affaires autour de la capitale française. La défense faisait peser la balance un peu trop vers l'ouest. Un projet de grand pôle entrepreneurial a donc vu le jour à l'est. Ponant, Levant, Est, Ouest, tout est affaire de points cardinaux. Toutefois, le grand chantier de la banlieue Est a percuté en route le mur épais de la crise pétrolière des années 70 et s'est interrompu. Les tours sont donc la partie émergée et le seul témoignage d'un grand projet abandonné. Aujourd'hui, les tours sont en partie vides. Les anciennes entreprises locataires ont quitté les lieux, laissant derrière elles quelques 80 000 mètres carrés de bureaux déserts. De nouveaux et vastes projets ont vu le jour pour ces tours qui offrent une vue imprenable, comme on dit, sur l'agglomération parisienne. Celui d'un grand hôtel, par exemple, destiné, je cite le journal Le Monde, avant tout aux touristes asiatiques. Mais ce rêve a percuté le mur épais de la pandémie mondiale. Les tours ont alors été en partie investies par les associations d'occupation et d'urbanisme temporaire comme Souk Machine ou Plateau Urbain. Les vestiges cherchent une vie nouvelle.